temps passe et rien ne change, mec. À part mes poumons, leurs soupçons, l'usure sur mon blouson. Les années passent, il faut que je parte, que je me trouve un appart. Merde, rien n'évolue à part ma barbe, mec. À part mon âge, les solutions sont nazes. Et je me dis qu'au fond, rien ne s'aggrave à part mon asthme. Tout ce qui est loin est récent, j'ai peur du futur, c'est stressant. Parce que je veux pas qu'il ressemble au présent. Sky et chichon, tu sais avec quoi on jongle. Et je me dis que cette mauvaise passe commence à se faire longue. La paranoïa m'obsède, je vois des keufs partout. Je suis toujours comme un con à croire qu'on m'observe. Soirée égale, alcool et grosse dose d'herbe. Je suis seul dans ma tête, les autres sont des grosses merdes. Socialement, je pense que j'ai atteint le seuil. X à Rome, de toute façon, je serai tout seul dans mon cercueil. Je crois en rien, je sais que les naïfs se perdent. X à mer, je suis classé comme un iceberg. Partir à zéro, moi j'en vois pas l'utilité. Qu'est-ce que je ferais de plus? Qu'est-ce que je ferais de moins? Qu'est-ce que je ferais de mieux? Qu'est-ce que je ferais de bien? Qu'est-ce qui dans ma vie pourrait changer qu'améliorer mon quotidien? Je sais pas, mais je crois pas que la solution soit d'arrêter le joint. Pourquoi tout recommencer? Renoncer à demain? Pourquoi me casser les couilles à tout refermer demain? Moi je veux rapper, rapper en fumant des gros joints. Moi je veux marrer, marrer en buvant du bon vin. Je veux tout baisser puis claquer en volant d'une F1. Il me faut un taf, un diplôme pour manger à ma faim. Plutôt que perdre mon temps, je ferai des mots à ma femme. Trop souvent, faut que j'écrive un texte. Mais je galère à croire que cette feuille blanche me fout des complexes. À vrai dire, à l'intérieur, moi je me sens vide. Sans mentir, c'était qu'à sa douleur qu'on se sent vivre. Le bonheur, parfois certains s'en privent. Je suis chanceux, mais pas de ceux qui s'en empivrent. Je suis bon à rien, prêt à tout. Mais dans ma main, j'ai pas les bons atouts. Trop souvent laissé sur la touche. Dans ma vie, c'est la course et je suis pas un rapide. Je suis sous sur la piste et je suis seul, c'est ça le pire. Attends, frère. J'pisse, puis j'te passe, c'est pas pisse. C'est du rap de psychopathe. J'vois les mois passent et moi, déjà, j'me mets à part. J'tourne en rond pour faire des 16 carrés. J'me fais du mal et ma petite voix me dit faut que t'arrêtes, être sérieux. C'était y'a longtemps comme le syncope de rue. Répéter le remontant, que Xenamo soit plus sûr de lui. Les MC baissent leur fuck en criant, j'retournerai jamais ma veste. Si ça vient de Saint-Gilles Forêt, j'fais des singeries. Mais c'est du fric qu'il me faudrait. J'suis encore comme une perte en quatrième. Si j'rate, ça fera encore un de ces lascars qui traîne, ouais. Théma, comment je deviens un mec sale? Dur de me dire, reste honnête, Sam. Au final, frère, c'est juste monnaie ça. Au final, c'est juste monnaie ça. Sombre écrase, vu qu'on n'est pas vite content. On s'adapte, vu qu'il faut vivre avec son temps. Rien n'avance, pourtant la terre tourne. Merde, dans nos têtes, c'est les rivières. Sombre écrase, vu qu'on n'est pas vite content. On s'adapte, vu qu'il